Je m'en vais. Malgré l'amour que je lui porte, je dois quitter mon pays, ma maison, mais je vous garde en moi. Un jour j'ai décidé de quitter mon pays. S'amusement que poulet monter sur sa maman même qu'à toi. Écoute-moi ça. Tout le monde, bam bam.